mais l'instru je me régale. MC Tchepal, fusil sur l'épaule, je vais finir au Népal. J'aime pas les gens qui se montrent et qu'assument pas. Quand j'offre le resto, on est 20 autour d'une table. J'ai sorti des habits, on m'a mis l'œil, j'ai fait une tâche. Je ferme les livres et ils veulent encore que je tourne une page. Me noter au barreau, tu penses à te péter une garo. Ils enquêtent sur toi comme le commissaire Navarro. Et oui, c'est comme ça que tous tes projets tombent à l'eau. Les flics aux jolies t'emboucanent comme ça t'en veux à l'autre. T'as beaucoup agité quand t'es cheaté. Je peux perdre dans mon coin, ils sont agités. Je tends des phrases de niqué à croire qu'ils sont habités. Rien à foutre de ce qu'ils pensent d'être une célébrité. J'ai fait le plein sans faire esprit, je dis qu'encore des briquets. J'entends leur son un peu, on dirait du tout le trafiqué. Je préfère être l'éviter que l'inviter. Les venez pas dans ma cité. Flow recyclé dans le rap en bicyclette. C'est bientôt l'été, je vais sortir une moto du cycle. Je gamberge quand je suis tout seul. Je réfléchis, me dis que tout c'est. J'ai peut-être envoyé trop de sons là. J'ai senti que je les avais étouffés. Et voilà là là, je fais les poires choquer, bro. À la recherche du boulot sans Pedro. Imagine demain ça fait le signe à San Siro. T'imagines si Pedro avait tué Tiro. Ouais, ouais, les pauvres. Ouais, ouais, tu l'arrives en force. Ouais, ouais, les pauvres. Ouais, ouais. Tu l'arrives en force, ah, les pauvres. Sache que tout ça me désole, sole, ah, je m'isole. Il en faut pour que je m'envole, vole, ah, rigole. Le petit bas qui tire, vole, toi, tu me colles. Arrête de faire ta folle, vole, vole. Vois le pire, quand je circule, j'écris désolé, je me nique ta mère après la virgule. Elle veut mon numéro, moi je vais la giro. Je passais la deuxième, ils ont mis les giro. Chacun ses problèmes, chacun son train de vie. Attendez doucement, chacun son selfie. Chacun sa haine, chacun son défi. J'ai cherché à viser dans le mille, mais pour eux je suis pas précis. Reste le même bro, si je t'apprécie. Je serai là frère en cas de péripétie. Cortège bloque la route, fait trembler le châssis. Lune de miel, le poteau se mange des croissants en Croatie. Allez oubliez-moi, sucez les autres. La team du long, c'est qui c'est les hommes. Tu veux bagarre, tu sais où elle est la zone. Demande à l'homme, ma lune et on veut de la zone. Je casse ma cime si demain tu m'harcèles. J'envoie des gens, je ne fais pas d'art martial. Je ne supporte pas la discrimination raciale. Bientôt je vais travailler les becs à la salle. Hein? Ouais, ouais, les pauvres. Ouais, ouais, tu l'arrives en force. Ouais, ouais, les pauvres. Ouais, ouais, tu l'arrives en force. Ah, les pauvres. Sache que tout ça me désole, sole. Ah, je m'isole. Il en faut pour que je m'envole, vole. Ah, rigole. Le petit bras qui tire, vole. Toi, tu me colles. Arrête de faire ta folle, folle. Ouais, ouais, les pauvres.